France Inter présente le livre Olympics, l'étonnante histoire des Jeux. 150 aventures sportives pour découvrir les Jeux Olympiques. Olympics, Doric Colodny, un livre France Inter. Pour tous les amoureux du sport.